quel est le débat de ce soir? Bah, je pense qu'on va faire peut-être un débat sur ce que tu veux. Oh, allez, c'est toi qui décides. Ça fait une heure et demie que je lui demande de réfléchir, les gars. Non, mais c'est toi qui vois, et puis c'est tout. Sur la fraude fiscale. Bon, on l'a déjà fait sur les impôts. Non, mais les impôts, c'est pas automatique. Non, tiens. On va faire un débat sur. Par contre, faut éviter, parce que j'ai remarqué ça dans vos débats jeudi, j'ai écouté un tout petit peu et ça coupe. Ouais, non, mais je sais, parce que à chaque fois. C'est toi quand tu mets tes coudes. Ouais, non, mais je sais, parce que à chaque fois, je m'énerve, parce que quand je dis quelque chose à Manu, Manu veut pas m'écouter. Ça n'a rien à voir avec ce que je te dis. C'est... Mais non, mais je sais, c'est à chaque fois que je tape. Non, sans taper, même quand tu mets tes coudes et tout ça, malheureusement, ça cogne. Parce que c'est pas les non, on va faire un petit débat sur le radar, comme ça, un long week-end. Bon. Donc vous appelez dès maintenant pour faire un débat sur les radars. Il nous reste 5 personnes, pas plus. Non, même pas. 4 pas plus. 4 au maximum. 4 pas les habituels. Mais non. Ouais, Manu. On y va? Oui. Ils sont là, peut-être, les gens, pour les débats, non? Non, non, et on va les appeler en live. Ah oui, d'accord. Vous avez pas? Ah non, on fait des monsieur et madame. Ah oui, d'accord, ok. Non, sinon, on attaquait directement le débat. Il reste 30 minutes à peine, donc je sais pas. J'improvise. On va les rappeler, alors. Alors, parce que vous avez déjà sélectionné les gens. Ouais. Faut juste leur dire que c'est sur les radars. Hein. Vous avez des filles, des garçons. Ouais. Alors, quels sont les. On fera les monsieur et madame Brazil demain. On en garde pour demain. Là, j'ai envie de m'éclater, là, avec le débat. Alors, c'est quoi les questions? Ça va être. Parce que. C'est vrai, et Fildar, t'as raison. Tout à l'heure, en revenant sur les Champs-Élysées, j'ai vu ces bâtards qui étaient en bas des champs avec ce fameux pistolet. Donc, faites attention. Ils sont en bas des Champs-Élysées, les policiers, ils sont méchants. Et attention, si vous êtes sur Paris, hein, quand vous descendez les champs, maintenant, ces bâtards, à 600 mètres de haut, quand vous êtes à une certaine vitesse, ils vous prennent avec un pistolet radar. Donc, méfiez-vous sur les champs, méfiez-vous partout, mais sur les champs, quoi. Ouais, mais bon, ça. Gérard, tu le sais. Bon, attends, qu'est-ce que tu me fais là? Tu veux pas t'amuser à faire le courrier? Parce que le courrier, on l'a déjà fait. Non, mais rapidement, pendant que Manu il brille. Non, deux, trois lettres pour avoir vite fait. Deux, trois lettres, là, ça va aller vite. On a reçu, le GGTON numéro 5. C'est pas la peine que j'écoute. Mais si, mais faut si, en parler. Mais c'est dégueulasse. C'est que de la merde. Non. Faut en parler. Non, mais attends. Déjà, je te dis jeudi, ce n'est pas la peine de le lire à l'antenne. Ok, point final à la ligne. Alors, ce courrier-là, tu le donnes à Max, terminé, il n'est pas à lire. Non, mais attends, lis-le, qu'est-ce que non, c'est non, non, non, non, non. Attends, je veux voir, Gérard, je veux comprendre. Oui, il y a un truc sympa, il y a des trucs sympas aussi. Il y a un auditeur qui s'appelle Dexter qui a fait un poème à ta façon parce qu'il est fan de tes poèmes. Donc, il a fait un poème à la Gérard, comme il dit, et ça s'appelle Ma grosse truie. Donc, non, c'est pas la peine de la lire. Hop, car le poème, on s'en fout. Il est beau. On s'en fout. Non, parce qu'il va faire, il passe à Sandy. Alors, non, terminé. Point final à la ligne, on le lit pas. Hop, basta. Il y a aucune allusion à Sandy. Hop. J'ai dit non. Mais je lis une phrase. Mais je dis non, on est mercredi, ça tombe bien. Bon. Écoute. Moi, je te dis non. Mais deux secondes. Je t'ai dit non. C'est moi qui commande. C'est mon courrier. Ah non, c'est pas le tien. Écoute, il dit, je voudrais t'écrire, je t'aime sur un panini. C'est pas méchant. Ma grosse truie, je voudrais t'écrire, je t'aime sur une barquette de frites. Ma grosse truie, je voudrais t'écrire, je t'aime sur un hamburger. Ma grosse truie, je voudrais t'écrire, je t'aime sur un chou-fleur. Ma grosse truie, je voudrais t'écrire, je t'aime sur une merguez. Ah, c'est mignon. Bah oui, ma grosse truie, je voudrais t'écrire, je t'aime sur ma merguez. Et ma grosse truie, je voudrais t'écrire, je t'aime sur un... Comme Gérard, je sais pas. Ma grosse truie, je voudrais t'écrire, je t'aime sur un haricot vert. Ma grosse truie, je voudrais t'écrire, je t'aime sur des épinards. Et ma grosse truie, je voudrais t'écrire, je t'aime sur une cuisse de canard. Voilà, point final à la ligne. Tu vois, c'était pas méchant. Non, c'était pas méchant, là. Tranquille. Alors, on continue, parce qu'après, il y a le mix de Léo à minuit pile, donc il va falloir rendre l'antenne. Donc, Ah oui, c'est vrai. Il y a un auditeur qui a fait une petite BD aussi, Les Aventures de Gérard Cousin. Hein? Voilà. Et en BD. Oh merde, Sophie. Ah, j'ai complètement zappé. De quoi, qu'il a été tapé? Non, j'ai dit Gérard Touzin. Oh j'ai, putain. J'ai dit Touzin. Mais Gérard, j'ai pas dit ton nom. Il est en train de prendre le courrier, il en a fait une boulette, il l'a mis à la poubelle. Mais j'ai dit. C'est pas la peine de faire de débat, je fais pas de débat. Mais non, mais je me suis planté. Mais il a rien dit, Gérard. Personne. Non. Mais arrête tes bêtises, je te fais venir pour faire la fête. Non, attends. Attends, mais il s'excuse. Je suis désolé, mais il vient de dire mon nom de famille. Mais non. Maintenant c'est terminé. Tout le monde le connaît, je me suis pas. Ta gueule! Arrête! Mais j'ai pas fait exprès! Attends, on vient pour faire la fête, on allait faire. C'est la fiesta, Brazil! Ouais, ta gueule! Ouais, ta gueule, voilà, exactement. Je crois que. Ouais. Voilà. Dégage au standard, fais ton boulot correctement. Fais pas chier. Et nous, on fait notre boulot, voilà, chacun le sien. Alors, pourquoi t'as voulu. Qu'est-ce qui t'est pris comme idée? D'ailleurs, c'est très astucieux, parce que c'est vrai qu'on en parle, c'est énormément d'actualité en ce moment. Pourquoi un débat sur les radars? Bah, ce qu'il y a, c'est que faut bien se dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est les départs de long week-end. Ça, oui, ça d'ailleurs prudent sur les routes. Hein. Voilà. Des gens qui nous écoutent là ce soir. Mmh. Donc tous ceux qui nous écoutent, la prudence le maximum, parce que faites attention, parce que là ça devient la décatombe. J'ai lu des articles dans les journaux. C'est la décatombe. Et faut se dire une chose que. Malheureusement, il y en a qui veulent se croire sur des circuits de. Des fancy, quoi. De Formule 1. De Formule 1, et c'est plus possible. C'est la décatombe. Ah bah ouais. Donc, tous ceux qui partent là sur les routes, ben, soyez prudents, c'est tout ce que je vous demande. Et tous ceux qui bossent routiers, chauffeurs de taxi, agents de sécurité. Même les étudiants qui nous écoutent ce soir et qui. Les étudiants, les infirmières et tout ça, bon, ben, on vous souhaite un bon courage. Même et... les étudiants qui n'ont pas leur permis, hein, si vous êtes au volant d'une voiture en ce moment dans votre bureau, prudence sur les routes. Ben, disons, il y en a qui essayent d'obtenir leur permis, bon, c'est pas évident, mais soyez prudents, c'est tout ce que je vous demande. Mets-toi là, reste avec ce micro-là parce qu'il marche bien, mais essaie d'être un peu plus vers le centre. Alors, Manu, s'il te plaît. Oui. Manu, c'est la dernière fois que je te le dis. Ça commence à bien faire. Quand vous me prenez. Ça commence à me faire chier. Non, oui, mais ça commence à me faire chier aussi parce qu'est-ce que. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que vous mettiez les fréquences ah à là chaque là, fois. C'est alors, important. Attends, j'arrive. Alors, A6, c'est un mec encore qui est. A6, dans. Ouais. Paris, 101.9. A6 encore. Tour 96.5. Non, bah, hey. On va leur demander. Allô. Oui, vas-y, bonsoir. Gérard. Vas-y. Boîte à caca. Ouais, bonsoir. Ouais, 101.9. Tout à fait. Bonsoir, tout le monde. Alors. Manu, tu écriras comme il faut. Poncho. Poncherella. Poncherella. Poncherella, bonsoir, Gérard. De Tours. Oui, c'est la ça. La fréquence. 87.9. Ah, c'est bien tour. 87.9. D'ailleurs, je vais retourner là, tiens. Camionnette mystère. Oh ouais, je suis là, j'appelle 2-3, Gérard. Ah, 2-3 eh, pourquoi qu'on me met à 6? Ah non, mais je suis. J'habite à 3, je suis sur la 6. Attends. Peut-être plus logique. Ouais. Y a un petit problème là. T'appelles d'où? J'appelle de la 6. Donc, ta fréquence? 101.9. Donc t'es en cas. Non, parce qu'il a changé de micro, c'est pour pas que ça plope justement quand t'appuies. Ouais, c'est génial, là il a fait du bon boulot là. Donc, merci pour le retour de l'Arsène. Donc t'appelles d'où? 101.9. 101.9, ok. Voilà, 6. Et. Pousse et Cal. Non, pousse Cal Obispo. Pousse Cal Obispo. Oui, bonsoir, Gérard, bonsoir, ça va? Est-ce que ça peut te foutre? Ah bah c'est une question comme ça. Enfin, mais 101.9. Ouais, salut. Voilà. Alors, Manu. Oui, quoi? Je commence à en avoir ras-le-bol. Ouais. C'est toutes les semaines que c'est pareil. C'est normal, Gérard, les radars, ils sont tous à Paris. Non. Mais si, ils sont tous à Paris. Je commence à en avoir marre que vous, sur tous les débats, on n'en a qu'un qui fait partie de la région parisienne. Okay. Même pas de la région parisienne, des Alouins. Gérard, il nous reste 20 minutes, donc il faut que tu speed. Ouais. Alors, première ligne, c'est pas grave. C'est quoi, c'est moi en plus? Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Ponchorella? Non, mais elle disait que c'était elle qui était de province et on a de la chance d'avoir une fille de province. Bah ouais, c'est bien. J'ai pas fait de test Paris-Bordeaux-Le-Mans. Paris-Bordeaux-Le-Mans, c'est bon. Je t'entends. Heureusement qu'elle est là quand même. Hein. Ouais. Bon, alors, vas-y, Gérard, première question. Pour vous, les radars, faudrait-il qu'on les supprime ou pas? Bonne question, Gérard. Boîte à caca. Ben, on commence bien. Moi, je pense qu'effectivement, les radars, il faudra les supprimer. Parce que moi, je sais que je trouve ça dangereux. Parce que je sais que je vois des gens, en fait. Tu sais, ils sont sur l'autoroute. Mmh. Non, mais t'as ton permis? De quoi? Est-ce que tu as ton permis? Ah, oui, bien sûr, j'ai mon permis, bien sûr. Non, mais attention. Ouais. Manu, ouais. Une question que je vais te poser. Quand tu me prends des auditeurs, t'essayes de savoir s'ils ont leur permis. Ouais. Parce qu'à 25 ans, celui qui s'amuse avec... Non, ça commence à bien faire, ok? En de bon entendeur, salut. C'est la première et dernière fois que je le dis. Qu'est-ce qui se passe? Celui de camionnette mystère, t'as ton permis? Oui, j'ai mon permis. D'accord. Passe escale Obispo. Pascal Obispo, oui, bien sûr, j'ai mon permis. T'as ton permis? Bien sûr, Gérard. Boîte à caca? Ouais. Bah t'as oui. Ton permis? Bah oui, je l'ai aussi. Je d'accord. Bon alors. Moi aussi j'ai mon permis. Donc je peux continuer. Bah ça y est, je te l'ai demandé. Oh! Crie pas, Gérard, crie pas, je t'en supplie. C'est vrai que tu cries, hein. Oh là là. Ouais. Donc alors là. Ils sont bourrés, donc c'est assez chaud, quoi. Oh, qui c'est qui vient de dire ça? En forme. Camionnette mystère, au revoir. Allez, au revoir. Comment tu dis au revoir? Pourquoi? Non, camionnette. Pour une fois que t'es pas le seul à être bourré, tu devrais être content. Alors, camionnette mystère, au revoir, parce que je suis pas bourré du tout, d'accord? Ouais. Ok, on demande d'entendre, salut. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, bonne nuit. Voilà, alors, boîte à caca, donc. Alors, moi, je te disais que je sais que moi, j'ai vu sur l'autoroute, tu sais, des fois, il y a des gars, ils ont des grosses voitures, ils sont à 200. Mm-hmm. Et en fait, tout d'un coup, ils voient le radar, donc ils se mettent à piler, et en fait, ça fait des accidents. Donc, je pense que si on enlevait les radars, il y aurait moins d'accidents. Non mais attends, la question. Moi je peux te dire une chose. Ouais. Merci Fildar. Parce que là t'es en train de faire un réglage parce que ça sature un peu dans les ouais, mais je sais que ça sature dans le casque, mais grave de chez grave. Hein. Ouais, moi je peux te dire une chose, que de toute manière, dès que tu vois le radar, de toute manière, t'es trop tard. C'est trop tard, non mais t'as pas essayé de piler, de toute manière, t'es pris d'office. Ouais, mais n'empêche que reconnaître que ça crée en fait plus d'accidents que ça n'en évite, quoi, en fait. Ah ben, de toute manière, si tu piles celui derrière toi qui te voit pas, de toute manière, t'es sûr, à 100% t'es sûr que l'autre de derrière il te rentre dedans. Hein. C'est ce qui fait d'ailleurs les morts. Et ça malheureusement on peut rien y faire parce que ceux qui ont des grosses voitures, bon, ils se rendent pas compte de passer sur l'airbag aussi. Ouais, regarde, ils ont des grosses voitures, donc le gars il se met debout sur la pédale de frein, lui il a l'ABS, tu vois, il s'en fout, mais toi t'as avec ta vie. Non mais attends, derrière, en plus il a des coussins, quoi. C'est-à-dire que s'il y a l'accident, en plus il crée l'accident, il a des coussins pour. Ouais, mais non, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant c'est vrai que tout le monde en parle de l'airbag, mais faut dire une chose. Ouais. Que c'est pas en ayant l'airbag et tout ça que ça va sauver des vies. C'est intéressant ce qu'il dit quand même. Pantorina et Pousseska là. Je les ai coupés. Tu me les mets tous. Okay. Pousseska Obispo. Ouais. Donc. Bonjour, c'est Pousseska Obispo. Bonsoir Pousseska. Non mais tu vas pas faire comme Monsieur Mazur, parce que sinon ça va gerber aussi. Pas du tout, Gérard, pas du tout. Donc, utiliser les airbags, Gérard, ouais, pour revenir sur ce que tu disais. Sur les airbags, c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un airbag. Parce que t'as l'airbag conducteur, mais côté passager, est-ce que certaines voitures sont équipées d'airbags? On ne sait pas. Bah si, bien sûr. Mais derrière, non. Non, pas toutes les toutes voitures. Toutes les voitures. Hein. Non. Pas, maintenant, oui. Sur les nouveaux modèles qui sortent, oui. Mais sur les anciens. On peut les rajouter. Non, mais, c'est des petits boîtiers qu'on met devant. Ouais, mais le plus grave, c'est ceux qui sont derrière. Ou alors, il faut se balader avec un ballon tout le temps devant soi. Ouais, mais c'est pas pratique, ça, quand même. Donc, oui, Manu, on va accueillir Iveco. C'est possible? C'est possible de... Oh, s'il te plaît, avant que j'accueille Iveco, c'est possible d'éviter de me prendre des marques de camions, de voitures? C'est son surnom. Je suis désolé. Raison, Gérard, parce que ça fait de la pub. Je suis désolé, parce que Iveco, c'est une marque de camions. Ok, un bon entendeur, salut. D'accord. Salut Gégé. Merci. Salut Gégé. Ça va bien? J'aime bien cette expression de bon entendeur, salut. Alors Iveco, t'appelles d'où? J'appelle de Reims. Ah bien. Fréquence 102.2. Ok. Donc la question, donc tu as entendu la question, comme on vient de parler d'airbag et tout ça, donc tu peux appuyer sur la question ou pas? C'était un débat sur les radars ou sur l'airbag? Non, sur les radars, on parlait d'airbag parce que Max était là. On dérive un peu en fait. Non mais par rapport aux radars, donc pensez-vous qu'il faut qu'on les supprime ou pas? C'est ça, avec boîte à caca, on avait commencé à supprimer les boîtes à caca. On avait commencé à parler des airbags, c'est pour ça que je reviens sur le truc. Donc pour toi. C'est gentil de me répéter la question, Gérard, mais j'avais déjà entendu. Donc ça ne servit à rien. Sinon, je voulais te dire que moi, je suis d'accord, il faudrait supprimer les radars. Mmh. Mais pour ça, il y a une solution, c'est-à-dire il y a l'airbag, il y a l'ABS. Ça y est, on vient de faire le tour de l'airbag et de l'ABS. Gégé, on n'a pas parlé de l'antipatinage. Le démarrage codé. On s'en fout de ça. Ni les jantes, ni tout ça, mais là, on sort du débat, là. Je le connais, antipatinage. Les radars. Je crois que c'est un débat sur le tuning. Gérard, tu gères mal ton truc, vas-y. Mettre des radars tunés. T'as compris, toi. Ouais, mais c'est à vous d'essayer de comprendre. Gégé. Gégé. Oui. Parce que moi, je t'ai pas répondu. Vas-y. Bah moi, je trouve qu'en fait, il faut les laisser, les radars. Mais pourquoi ? Non, mais pourquoi et dans quel sens ? Voilà. Bah, dans quel sens, dispositif debout ? Et pourquoi ? Parce que il faut, en fait, si tu veux, il y aura pas de preuve que les gens y vont vite. Ah si, il y a des photos maintenant. Ouais, mais il y a pas le kilométrage inscrit sur la photo. Ah ouais, mais de toute manière, faut se dire une chose, ouais. que le radar, quand il te prend en photo, c'est sûr que tu les as pas toujours à la sortie des autoroutes. Mais tu peux comme à Disneyland. Ouais, et puis tu es pas toujours très beau sur les photos aussi. Bon, là c'est chiant. Il y a combien de pauses? Il y a 150 pauses. Non mais là c'est dommage que c'est un débat important. Il y a beaucoup de policiers qui nous écoutent ce soir et ça ricane. Ouais. D'ailleurs nous les saluons. Bonsoir. Non, ouais, de toute manière Donc, ouais. Pour revenir à ce qu'on disait... Gérard, vite fait. Moi, je voulais faire un petit truc, c'est que bon, demain, je squatte chez moi pour essayer de gagner les 10 000 balles du Mixon, et comme ça, j'essaierai de t'acheter une nouvelle jambe. C'est qui, toi? Tu t'appelles comment? C'est Pascal. Hein? Pour être sympa. Pascal. Pascal, au revoir. Salut. Au revoir, Pascal. Bonjour, c'est Pascal. Allez, hop, terminé pour lui. Comme ça, on va reprendre quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai pas été gentil avec toi, mais ça serait quand même plus facile pour marcher, non? Iveco. Oui. Fais gaffe à toi. Pas de Marco. Ah non, mais moi c'était pour 30 services, Gérard. Non, mais moi aussi je suis routier, donc je connais le problème des jambes en moins. Toi aussi tu bois. Bon. Ouais. C'est boîte à caca. D'ailleurs, Tilbert et Manu ils m'ont pas attendu pour boire ce soir. Hein. C'est pas gentil les deux. Oh. Bon, Iveco, au revoir. Ça fait deux fois. Mais pose des questions. Au revoir. Pose des questions sur le débat là. Vas-y, bah, attends, Gérard. GG, moi c'est boîte à caca. Je voulais savoir, tu proposes quoi toi pour remplacer les radars? Ah oui, c'est une bonne question. Que si tu les supprimes, ouais, voilà. Faut remplacer. Non, mais de toute manière, il n'y a pas de remplacement. C'est à vous, en étant chauffeur, de savoir ce qu'on doit faire. C'est de respecter les limitations de vitesse qui sont attribués à l'heure actuelle. Ouais, c'est-à-dire sur autoroute, partant sec, t'as le droit à 130, partant de pluie, c'est limité. Parler d'alcool? Non, fais gaffe, Ponturella, parce que tu risques, de déménager aussi, toi. Donc, il y a la question. C'est partant sec, vous avez le droit de rouler à 130 sur les autoroutes. Ça, c'est clair, net et précis. Partant de pluie, si. Ça dépend du type de véhicule. Non. Oui, Manu. Une mob, elle peut pas rouler à 130. GG. Manu, attendez, s'il vous plaît, merci. Je voulais qu'on accueille Elvis Pousselet. Manu, oui. Bonsoir, Elvis. Un conseil que je te donne. Ouais. Ne t'amuse pas. Bonsoir, Elvis. Tu t'écrases pour l'instant. Merci. Manu, un conseil que je te donne. Tu t'amuses pas à me zapper les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Pour les auditeurs que je viens de leur dire au revoir pour me reprendre les mêmes. Non, d'accord, ils sont là, ma liste. J'en ai plein. Ouais, ouais. Alors, comment qu'ils s'appellent? Elvis Pousselet. Alors, Elvis. Ok, salut Gérard, bonsoir. T'appelles d'où? Oh, one again. J'appelle de Las Vegas. Bonsoir, Elvis. La fréquence de Las Vegas 92 000.7. D'accord, fous-toi bien de ma gueule. Un petit peu de mon rival, c'est mardi, bon gars. D'accord, ok, bonne nuit. Pour l'instant, t'attends. Après Pour l'instant, j'ai que lui. Fildar. Oui, bonsoir Gérard. Je voulais revenir par rapport à la question que tu avais posée boîte à caca. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles pour remplacer les radars? Mais s'il n'y a plus les radars, comment on va faire en temps de guerre pour repérer l'ennemi? Bah oui, parce que les sonars, ça fait la mer, mais pas l'air. Bon, c'est sur une question comme ça, je ne réponds pas. Non, mais il y a des sons banals, mais... Non, mais je ne réponds pas. Never let me go. Bon, Fildar, c'est pas moi, c'est Elvis Pousselet. Non, j'ai pas rien. Bon, Manu, s'il te plaît, Manu, c'est le bordel. Manu, tu me calmes. Tu me cannes... Non, tu restes, parce que si ça va pas, moi, je laisse tomber, je me tire aussi. Manu, tu me cannes Elvis, c'est vite fait, bien fait. Elvis, Elvis pousse. Ok. Ouais, mais ouais. Je les calme en antenne. Qui c'est qu'on accueille? On accueille Volvo. Oui, bonsoir, Gérard. Salut, Volvo. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, les auditeurs. Bonsoir, Volvo. Salut. T'appelles d'où? Je suis enchanté de participer à ce débat. T'appelles d'où? J'appelle Damien. Bonsoir, Damien. Fréquence 92.8. T'appelles Damien ou Volvo, j'ai pas compris. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, boîte à cac. Donc, Elvis. Oui. Tu t'es calmé? Ouais, pas de problème, je suis calmé à fond. Bon, alors, tu réponds à la question qui avait été posée. Volvo, désolé, c'est pareil. J'ai cité tout à l'heure, donc j'ai pas entendu la question. Bon, bah, je la répète plus. Comment? Qu'est-ce qu'on peut. Remplacer les radars. Voilà. Bah ouais, faudrait essayer de les remplacer, les radars, en fait. Mais par quoi? Ok. Bah, je sais pas, tu vois, un système, un nouveau truc bien mortel, quoi. Ouais, GG. Oui. Tu penses pas, toi, qu'on pourrait en profiter, je sais pas, moi, tu sais, pour créer des emplois? Voilà. Tu sais, à la place de chaque radar, tu pourrais mettre, je sais pas, un Schmitt avec un chronomètre, et puis il pourrait faire les chronomètres. Non, mais de toute manière, faut bien se dire une chose que... Oh là là. Gilbert, t'arrêtes, s'il te plaît! Mais j'ai pas le son, merde. C'est pas moi. Déjà, tu me fais chier avec ça. Tu vois, regarde. C'est bien moi. Enfin, c'est pas moi, tu vois, je te parle, le son, il passe. Oh là, putain, je commence à avoir ras-le-bol déjà. Donc, le problème, comme on disait, c'est de les retirer. Mais maintenant, c'est à vous de respecter les limitations de vitesse. C'est pas... parce que... C'est pas facile, regarde, moi, j'ai une voiture qui va à 220. Non, mais attends, tu vas pas... C'est rouge, ça y est, c'est la fatigue. Non, mais attends. Oh, tu vas pas rouler à 220 sur une autoroute? Attends, j'ai mis un triple carbu double corps, c'est pas pour me traîner à 90. Bah d'accord, vende-toi. Ouais, vende-toi. Si je suis dans le tuning, attention, toi t'as customisé ta grosse, moi j'ai customisé ma voiture. Alors tu vas faire enculer, boîte à caca, terminé. C'est fort. Manu, boîte à caca, tu vas te faire enculer. Hein, voilà. D'accord, okay. Hop là. Enfin quelque chose de vrai. Tant Gérard, pour venir au débat, il y a un truc en fait. Oh là là, oh Larsen. Putain, il défonce pas le Puncher est là, au revoir. Ça t'apprendra à dire que je suis fonce d'art, comme tu voilà. dis. Voilà. Non, mais je voulais te dire. Mais pourquoi en fait ils ont mis en route les radars? Pour arrêter les gens qui roulaient vite, mais tu vois, il y a des gens qui roulent. Enfin, tu vois, qui vont rouler vite une fois. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'étais sur l'autoroute, je roulais normalement à 130. Et à un moment, en fait, pour doubler quelqu'un qui roulait à la même vitesse que moi, j'y allais plus vite. On est d'accord. Mm-hmm. Donc j'allais à 150. T'as 6 grammes, arrête. Et à ce moment-là, je me suis fait. Il y avait un radar en fait sur le coin et je me suis fait avoir. Alors que c'était la première arrête, fois que je le faisais. Arrête, Philippe. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais. Donc c'est pas normal que je me sois fait prendre au radar. Je me sois fait prendre. Bah, disons si, parce que si tu roules déjà. Alors que d'habitude, je roule pas vite, jamais vite. Non, mais attends, t'en as un qui roulait à 130 et toi, tu le doubles à 150? Non, bah, je peux pas le doubler à la même vitesse, tu comprends? Non, mais attends, si je veux le doubler, faut que j'aille plus vite. Attends, déjà, tu le doubles. Seulement pour le doubler. Non, mais tu le doubles à 130 sur quel fil? Il était sur la file du milieu, enfin il y avait trois voies, il était sur la file du milieu, ouais. Donc j'ai déboîté sur la file de gauche, la dernière, quoi, pour le doubler et pour me rabattre après. Et c'est au moment où je me suis rabattu qu'ils m'ont flashé. Alors que j'étais en décélération déjà. Ouais, mais déjà une chose. Ce que je veux dire, j'étais en 5 et j'ai voulu passer en 4. Non, mais déjà, t'as protégé celui qui était fautif. Toujours une capote. Ah oui, en plus. Moi, j'ai mis une capote, ouais. Ouais, t'as protégé celui qui roulait à 130. Non, mais c'est dégueulasse. Non, mais celui à 130, tu l'as. De toute manière, il roulait pas à 130. Je suis désolé. Non, attends. Sur la deuxième, tu vas pas me dire qu'il roulait à 130, tu rigoles. Il avait quoi comme voiture? Je sais pas, mais ce que je veux te dire, c'est que lui, il était comme moi, il suivait, il était à la limite de la limitation, enfin il était limité. Merde. Non, mais attends, non. Je t'avais dit, ça amène un peu d'eau là, je suis. Non, mais attends, déjà à 130 sur la deuxième file, c'est normal. Mais attends, toi, tu pars sur la troisième, tu le doubles à 150. Attends, et tu te rabats tout de suite derrière. Bah, je vais pas rester sur la file de gauche. Mais attends, dans ce cas-là, pourquoi tu restes pas sur ton élan? Bah, tu continues jusqu'au bout, et tu t'es fait flasher. Tu restes sur ton élan, c'est tout. Ce qu'il y a, c'est que t'as voulu te rabattre sur la file de gauche, donc, pour protéger celui de 130, c'est ça. Je vais pas le protéger, j'avais pas vu le radar, Non, mais en fin de compte, ce qui se passe, ce que tu veux me dire, c'est que celui à 130, il n'a pas été pris, c'est toi qui t'es fait prendre. Tu veux que je t'aide? Non, regarde les auditeurs, je crois qu'ils dorment. Ils sont morts. Bon, deuxième question. Ah non, bah pour la deuxième, je vais accueillir deux nouveaux auditeurs. Donc je vous rassure, je me le suis fait sauter, hein, le PV. Bon, ça y est, c'est fini, c'est bon. Ouais, c'est bon. Le Elvis et Volvo, vous vous calmez, s'il vous plaît, merci. Non, mais j'ai l'impression que t'as oublié d'être con ce soir. Ouais, Volvo, au revoir. Allez, Volvo. Bonne nuit. Bon, on accueille quand même deux nouveaux auditeurs. On accueille Hookeuse. Salut. Ouais, c'est la meuf du flic. Salut, Gérard. Et on accueille Ayrton Frenna. Oui, bonsoir. Hookeuse, t'appelles d'où? Hookeuse, t'appelles d'où? J'appelle de Bordeaux, ne crie pas, Gérard. Ah ben, tu non, travailles quand je te demande. Ça sert à rien de crier. De Bordeaux. La fréquence? 103.1. Ok, et l'autre? Alors moi, j'appelle de Montmoignon. Oh là là, la voix de Tantouze. Oula. Là. Ouais. Oh la Tantouze. Allez, on va t'appeler Tantouze. Ok, d'accord, enculé. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, Tantou, tu vas te faire enculer au standard. C'est bien, c'est que pour la première fois de ma vie, j'assiste vraiment dans les studios à un débat de Gérard et je le vois noter des prénoms sur sa feuille. À peine il a fini de noter que l'autre il est très enculé, il a pas fini de l'écrire et déjà il le barre. Terminé pour lui. Non, mais c'est dommage parce que ton débat n'a ni queue ni tête. À nouveau, si vous permettez, on va accueillir Renault Trafic. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salut Renault Trafic. Salut. Bonsoir Gérard. Bonsoir les auditeurs. Pas de pub, hein, normalement. Bah, c'est son nom, hein, dans l'émission. Ouais, c'est mon vrai nom. Mais la même ça fait 4 marques de. 4 marques. Ah, d'accord, mais de trucs. Tu t'appelles Touzin, tu aurais pu t'appeler Trafic, quoi. J'ai... Non, c'est. Ah bon, c'était pas Gérard Cousin. On va avoir des problèmes, hein, avec les c'est pubs. C'est hein. Voisin. Non, c'est Cousin. C'est pas tout ça. Bon, je les ai coupés. Non, mais de toute manière, tu vas mettre un disque, Manu. Ah bah non, mais paradis, qu'on va rentrer dans les pubs. Non, alors, dans 6 minutes, il y a Olivier qui va donner un coup de main. Non, il dégage, lui. Hein? Bonne nuit. Oh là là. Hop, Olivier, dehors. Dehors, je veux plus te voir, toi. Ouais. Bon, qui c'est qui nous reste alors, Elvis et puis. Ouais, je suis toujours là, ouais, Gérard. Donc, il a viré. Non, il y a Renault Trafic, il y a Elvis Pousselet. Non, je te dis, c'est terminé, je veux plus une marque de. Je veux aucune c'est interdit, marque. Ça, okay, je ne veux aucune marque, tu te démerdes. D'accord. Bon, alors fini, Gérard, vas-y. Donc, calme la moment. Question. Donc, il nous reste Elvis et Houqueuse. Qui ça, Elvis Bon, Elvis, je sais pas. Donc, à votre avis, les motards sont-ils là plus perfectionné que les voitures à l'heure actuelle. Ouais. Et vous allez réfléchir. C'est la pause là. Non. On peut pas. Non mais il y a la pub. Il y a de la pub dans 6 minutes, donc il faut continuer, Gérard. C'est bon. Il y a pas à réfléchir. Il y a pas. Ah, ils font brère avec leur pub là. Tu combles. Bon allez. Tu combles. Tu combles, Elvis. Tu réponds. Ouais, bon les moteurs, c'est bien. Hey, tu peux retirer tes doigts de tes narines. Non mais Gérard, fais un débat quoi, parce que là tu fais ça à la plaisanterie. Et pour l'instant je suis en train de chuter dans l'audience. J'ai voulu te mettre à 23h, mais je vois que tu peux pas assumer cette audience. Non, c'est les débats comme Michael Myers à la hache. Bon alors Elvis, sans revoir. Bah attends, j'ai rien dit moi, c'est l'autre là, hein. C'est l'autre. Hein. Ouais. Essaye d'être sérieux, comme les débats. On peut accueillir un quatrième auditeur, ça ferait du bien. Ouais, si non, mais attends moi, Gérard, parce que ton débat il me blase, hein. Bon alors tu t'en vas, puis c'est tout, comme ça il te gagnera moins. Qui c'est qu'on accueille? On accueille F. Il y aura mix. Ouais. Alors, celui qui s'amuse à mettre de la musique, arrête, s'il vous plaît, merci. Gérard, faut que tu gères ton truc. Mon Dieu. Tu l'as. C'est pas moi, merde. Il gère. T'es chiant. Bon, vas-y, tu viens là. On gère rien, là. Vas-y. Ah, putain. On accueille. Du boulot, là. C'est de la merde, ce que tu me fais. On accueille F Fiesta. Non, je vois pas de marque de voiture. Hop, terminé. C'est pas une marque, c'est la fête. La fiesta. La cocaïne, c'est tout, c'est bon. Mais ce soir, c'est la fête, c'est Brésil, c'est la fête. Bon, fiesta. Allez, putain. Oh, putain. Ta fréquence. Tu me fais vraiment de la merde, là. Je veux dire, j'ai des problèmes. J'appelle du Portugal. Ok, le mec. On a tout compris. Ouais, c'est bon. Après. C'est tout. Bah tu m'as dit on accueille deux nouveaux auditeurs. Ouais. Hey, t'es taré ou quoi là? Mais Gérard, c'est parce que je suis gros. Bah d'accord. Alors la question c'était quoi? Les motards ont-ils le droit d'aller plus vite que les voitures pour Non, sont-ils plus sophistiqués que les voitures? Voilà. Gérard. Elvis. Ah mais moi je t'avais demandé de me virer. Hein. Bah, alors bonne nuit, au revoir. Alors comme ça c'est tout de suite fait. Donc terminé. Ouais. C'est lourd là, t'es lourd Gérard ce soir. Hogueuse. Je comprends pas trop si c'est les motards ou les motos. Les motards. Les motards plus perfectionnés que les voitures. Ah, ouais. Je dirais que c'est plutôt le contraire. Attends. Moi je suis pas d'accord. Hein. Attends, non. LPSA. Non, c'est Ayrton Frena, GG. Hein? Ayrton. Ouais. Ayrton Frena. Ouais. Bah, moi je suis pas d'accord. Moi je pense que quand même un motard c'est un être humain. Mm-hmm. Qu'il est doué d'un cerveau. Il est normalement constitué et que c'est plus intelligent, plus sophistiqué, comme dirait Fidlar, qu'une voiture. C'est une bonne réponse, ça. Il n'y a pas d'airbag. On s'en fout des airbags. C'est vrai que pourquoi du darwinisme, franchement. Attendez, on parle des radars. Moi, Gérard, j'ai une question pour toi. Attends, une question que je me demande. Un motard, quand il est dans une voiture, est-ce qu'il va plus vite? Ah. À ton avis? Ouais. Attends, un motard dans question, une. Pardon, non, mais question. Un motard au volant d'une voiture, est-ce que ça va plus vite? Et est-ce que c'est plus sophistiqué? Attendez, alors. Oui, alors un motard. Attendez. Oh oui, alors laissez-le une fois, vas-y. Déjà, sur les motos, les casques sont obligatoires. En voiture, les ceintures de sécurité sont obligatoires. Mais on ne pourrait pas porter des casques comme les motards dans les voitures? Non. Non. Il n'y en a pas besoin. Est-ce qu'il serait pas bon de mettre des airbags sur les motos? toute manière, sur les motos, de toute manière, pour dire que 50% de, il y a plus de 50% de, d'accidents en moto qu'en, qu'en voiture. Parce qu'il n'y a pas d'airbag. Est-ce qu'il faudrait pas une ceinture de sécurité aussi? Non, mais ce qui se passe, le problème qui se passe. C'est vrai qu'ils traversent le guidon quand ils sont au guidon de leur moto et qu'ils sont à 160, ouais, les mecs. Ouais, mais de toute manière, tu dois le voir comme moi. De toute manière, tout le monde doit aller voir. Faut dire une chose. On dit toujours les routiers, les voitures, tout ça. Mais faut dire aussi que ceux qui sont en moto, c'est vrai que eux aussi sont dangereux. Ils sont plus dangereux que ceux qui sont surtout en voiture. Surtout à cause de la roue de secours dans le coffre. Non, mais c'est en sérieux. Non. Mais faut dire que les motos, quand tu les vois sur débouler entre deux voitures sur le périphérique, ils ont un espace qui est quoi? Long comme ça. Et on n'a dit pas de marque alors. Non mais long comme ça. Ouais, long comme ça. J'espère que tout le monde le voit bien. Faut se dire une chose. Que si la voiture le laisse pas passer, le mec à coup de pompe, il va te déglinguer ton rétro. Et ça, moi je trouve que ça. Il va pas s'arracher la jambe, ça c'est clair. Non mais c'est vrai qu'il parle bien là, Gérard. Là, c'est non mais parlé. Ce qu'il faut dire, que on dit toujours les voitures, les camions. Mais faut voir que en plus les trois quarts des accidents, moi j'ai vu cet après-midi, ce soir et à midi, j'ai vu des chiffres, et il faut dire que les chiffres, trois quarts. Des chiffres? Non, des chiffres. Donc pas des chiffres. Quel genre de chiffres t'as vu? Qu'est-ce que tu as vu comme chiffres? À l'heure actuelle, on croit que c'est les voitures et les camions qui sont les plus atteints dans les accidents, et en fin de compte, c'est les motos. C'est les motards, parce que il y a à peu près 9%, plus de 9% de tuer en moto que ça, par c'est beau, ça. En ça, voiture. C'est des beaux chiffres, ça. C'est bien. On c'est a plus de 9%. Chiffres, ouais. Mais là, c'est un long week-end. Donc, c'est la pub. Ouais, ben on va. Attends, laisse-le en train d'expliquer. Non, mais ce qu'il y a, faut bien se dire une chose, c'est que là, ce week-end, c'est un long week-end de 4 jours. C'est les week-ends. Attends, quand tu dis que c'est un long week-end, c'est-à-dire les jours sont plus longs, c'est-à-dire qu'il y a plus de 24 heures par jour. Bah disons là, on a un week-end de 15 jours. T'as deux. Attends. Il y a un problème, t'as jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Des week-ends, parce que les week-ends, c'est deux jours. Là, il y a des week-ends de 4 jours. C'est-à-dire que c'est des journées de 48 heures? Ouais. Bah là, t'as un peu plus. Les gens, ils sont tous partis, là. En plus, c'est classé rouge à peu près partout. C'est un week-end toute la semaine, toi, de toute façon. Ouais, bah, si ça te plaît pas, c'est le même prix. Je te remercie. Quand tu dis que c'est une journée rouge, c'est une journée, rouge, non. Tu vois pas de blanc, quoi. Tu vois du rouge dans toute la journée, c'est tout. S'il vous plaît, les auditeurs, hey, si c'est un long week-end de 4 jours, les week-ends c'est samedi, dimanche. Mmh. Mais là, comme des week-ends comme de 48 heures. Oui. Ouais, mais là, comme t'as un pont. C'est quoi les ponts? Le pont. Biancourt. Non. Pas l'Alma, merde. Le pont du. Là, t'as le premier. Pont de Suresne, pont de Puteaux. Il n'y aura pas de disque, hein. T'as le pont là, t'as le pont du 1er juin, donc l'Ascension. Donc c'est un week-end de 4 jours. Le pont de la rivière Kouai. Voilà, si tu veux. D'accord. Enfin. Bon, on va faire une pause pour ce débat. On va faire une pause et on va s'écouter les petits. Mais là, on fait c'est la pause pub. Peut-être qu'il y aura un disque après, ça sera ce disque-là après d'ailleurs, parce qu'il est très bon. C'est une nouveauté, écoutez bien. C'est le petit pont de Limoges, du pont de mon slip avec. C'est pas ça, Gérard. Je me sens bien. Attends! Eh, qui c'est qui a écrit? C'est pas moi. Ah, c'est Manu. Ok. Alors c'est quoi? Je me souviens plus, mais Libyen, c'est pas ça. Hein. Non, ça doit être les petits verres du fond de mon slip. Avec. Non, c'est le petit Limoges du les fond masses, de mon slip. Les petites limaces du fond de mon slip. Mais alors, mais t'as qu'à écrire comme il faut, espèce d'andouille. Ah, t'as qu'à apprendre à lire. Quoi, y a les petites limaces de vacances. C'est pas le niveau encore? Ouais, les petites limaces, là, avec elles me... Qui est de vacances. Elles, je me sens bien. Ah ben, on va bien voir si c'est bon. Le bon disque, on se retrouve après. Ben, de toute manière, Donc on fait une petite pause. Et si vous voulez participer au débat de Gérard improvisé ce soir sur les radars, j'avais décidé de faire la fête, tout ça. Vous appelez 0803-08-5000, Manu et Fielder, à minuit. N'oubliez pas qu'il y a le mix de Léo. À tout de suite. Merci de votre attention. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à bord de ce train. Oh putain de merde. Et voilà, bonsoir à tous, vous venez d'écouter les petites limaces du pont de mon slip, avec elle, je me sens bien. Donc voilà, donc bienvenue sur Pan Radio, donc c'est Gérard, des débats à l'improviste. Donc la question c'était... Qui à l'improviste? Donc, à l'impro clou, tu vois. Donc la question c'est pas des... Falafel, tu veux des falafels? C'était quoi déjà la question, Fildar? Y a-t-il une différence entre les motards, enfin, les motards sont-ils plus sophistiqués que les autos? Voilà. Donc, on va terminer sur cette question-là et après, on va laisser Léo juste derrière nous. D'accord? Alors, Ayrton Prena. Si vous aimez les grosses, elles se trouvent en voiture 35, les grosses. Ouais, Gérard, faut qu'il y aille. Ayrton Prena. Ah, c'est pas moi, hein, mais elle t'attend quand même. Mais Ayrton Prena, s'il te plaît, tu. Ah, attention à ta droite, là, priorité, putain. Bon, tu dis pas putain, on dit moment de travail. Sérieusement, on répond. Allez, on y va, là, on enchaîne. Bah, écoute, allez, Ayrton Prena. Les motards, moi, je pense que, comme je t'avais dit tout à l'heure, ils sont plus sophistiqués parce que c'est des êtres humains. Il faut aussi voir que, quand même, t'en tiens trois sur une file. Alors, mm-hmm. Une voiture, t'en mets qu'une seule. Ouais, et non, je mais. Je pense que ça, c'est quand même un signe majeur d'évolution. Non, mais, je sais pas si tu conduis, toi, si t'as déjà eu l'occasion de. Ouais, t'as conduit, ouais, tu m'étonnes. Non, mais. Est-ce que t'as déjà vu, t'as vu comment qu'ils faisaient sur... Bah ils ont raison, il y a de la place, ils passent, hein. Moi je dis pas de problème. Hein. Ouais mais... tu la crois... place entre les voitures, il y a une ligne, tu vois, ils suivent la ligne. Ouais quoi, mais quoi. Tu penses pas que c'est plus dangereux pour eux? Non je pense pas, franchement si t'as le casque et les roulettes c'est bon quoi. Bon ok, ouais. Moukov. Moukeuse. C'est qui ça? Moukeuse, ouais. Moukov. Pendant que tu y es. Bah moi déjà je trouve que rouler à trois sur l'autoroute soit faut être kamikaze soit faut avoir une Ford Fiesta. Faut que ça cesse ça. Sinon ouais c'est ça, vrai ça. Je trouve que les voitures elles sont plus sophistiquées, il y a de la mécanique. Surtout quand on voit ta caisse. Ouais, ok. Fiesta. Fiesta. Private. On va pas parler de la tienne parce qu'avec ses faux sièges en cuir. Fiesta. Ouais, je suis là, Gérard. Ibiza. Ouais. Ibiza. Trois semaines de congé. Ouais. Fiesta. C'est cool, mais je m'appelle pas Ibiza. Bon. Alors, bah forcément, Gérard, réfléchis deux secondes. Si les motos elles vont plus vite que les voitures, c'est qu'elles sont plus sophistiquées. Mm-hmm. C'est obligé. Donc ils peuvent se permettre d'aller plus vite. Ouais, mais moi. Tu vois, c'est comme toi, t'es un peu plus intelligent que tes standardistes. Donc tu peux te permettre d'aller plus vite. Tu vas loin, t'as dit, enchaîne. Ouais. T'as trop loin. Ouais, ouais. Okay. Ouais. Moi, Alain... moins que ça. Hein. Alain Proust. Non, mais moi aussi j'ai picolé. Alain Proust. Oui, bonsoir. Alain Proust. Non, mais moi, c'est ce qui est marqué. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, bah alors, en fait, c'est clair, les motards, je vois. On comprend pas trop bien ta question, en fait. Elle est dure, hein. Ouais, c'est un peu. Donc, en fait, c'est les motards qui seraient plus sophistiqués que les. Ouais, que les motards. Non, est-ce que les motards en radar. Qu'est-ce que tu veux dire par plus sophistiqués, en fait? Bah, est-ce que les motards peuvent se faire prendre par des radars par rapport aux voitures? C'est possible, ouais. Ils peuvent se faire prendre par des gros radars, quoi. Ouais. Des barbecues, Des derrière, des systèmes anti-radars et tout. Des gros radars, des gros dards aussi, ils se prennent aussi. Ouais. Ça arrive. Mais voilà, exactement. Ouais, ta mère, elle va jumper. Ouais, voilà. Il y a pas de Jigimaxim là, c'est dommage. Non, il est pas là. Non. Ah, par contre, elle est là, elle. Ouais, hein. Bah, elle prend une place. Elle donne en ce moment dans le 15. Bon, allez. Bon, allez, on s'en fout des gens de câlin. Non, mais on s'en fout de Jérémie de câlin. Bon, allez. On peut. Donc tout le monde a répondu à la question là. Ouais. Allez, c'est bon. J'aime la pseudo. Donc on va conclure là-dessus parce que on va. Tourner là. Non mais on va faire une petite conclusion. Non mais on va faire une petite conclusion. Si Fidlar ou Manu ont une question à me poser, je peux leur répondre juste avant. Mais avant de te coiffer, ce soir, que tu t'es lavé. Bon d'accord. Tu vois, c'était une question, hein, comme ça. Ouais, va te coucher avec ta question, Manu, non? Moi je voulais savoir si tu te laves les mains après avoir fait caca. D'accord. Hop. Basta. Donc conclusion. Bon. Conclusion sur le débat. Alain Proust. Ouais, je viens d'arriver, donc une conclusion, ça va être dur. Bon, j'ai écouté un peu le débat. Mmh. Mmh. Ça vole pas haut, hein, mais bon. C'est un débat improvisé. Hein. Voilà. Ouais. Mais bon, malgré tout, tes questions, c'est toujours pas ça. Ok, bon, bah, bonne nuit à toi, bon week-end et puis bonne bourre. Ok, super. Bonne bourre, c'est pas gagné. Super, le mythe de mon boss. Ok, Après, je sais plus qui c'est qu'on a derrière, Ayrton. Ayrton. C'est que t'as derrière. Ayrton. Bah écoute, débat sur les radars bien. Moi, je voudrais savoir pourquoi t'as fait autant de pubs à la police. Moi, je pense que t'as des PV à faire sauter ou un truc comme ça. Qui va sauter? Sinon, c'est peut-être de là que vient ton amour pour les gros moustachus avec des grosses boîtes noires. D'accord. Bonne nuit à toi, bonne bourre, bon week-end. Salut Pécor. Toi-même. Oukeuse. Oukeuse. Moi, je suis très déçu, hein, parce que j'ai trouvé que ton débat, il était à chier. Non, mais attends, c'est de l'improvisation, c'était pas prévu, hein, de toute manière. Il a fait la ligue d'impro, hein, Gérard. Justement, regarde, Phil Darmanin, ils ont trop assuré, donc je crois que là, il faut absolument que tu te remettes à picoler. Hein. T'as raison, bah, va le faire foutre, Kevin Bourg. Oui, connard. Toi-même, pétasse. Je t'emmerde. Moi aussi. Salope. Oh, Gérard, oh, enfin. Terminé. Non, qui c'est qui nous restait? Fiesta. Fiesta. Ouais, bah alors moi je voulais te dire que tu me fais vraiment délirer. Mm-hmm. Parce que pour éviter d'avoir à faire un 15e débat sur les routiers, tu tapes du vice avec un débat sur les autoroutes, un débat sur les radars. Bientôt on aura un débat sur les lignes et puis sur les parkings, sur tout ce qui va avec. Moi je trouve ça génial. Comme ça, tu vas pouvoir faire autant de débats sur la route que tu veux. Ok, bah, je te remercie, bonne bourrade. Et t'as pas été gentil avec mes cousins, là, Volvo et compagnie, là. Tous les camions, ça se fait pas. Mais de toute manière, on... respecté, t'es passé par là, toi. Non, non, mais on cite pas de marque sur l'antenne, c'est tout, je te remercie. Ok. Allez, bonne bourrade, toi. Toi-même, connard. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ben, ta conclusion, toi, sur les radars. Moi, tu t'es déjà fait prendre ou pas, toi? Non, on en a discuté l'autre fois lors de. Jamais une fois dans ta vie, jamais. Non, pas. J'ai pas eu l'occasion encore. Aussi bien voiture qu'en faux camion. Non, mais de toute manière, j'ai pas eu l'occasion. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, bon week-end à tous. Soyez prudents sur la route, c'est tout ce que je peux vous demander. Quand même, on sera demain à partir de 21h. Demain soir, 21h minuit, Max, le Star System, sera là pour vous accompagner. Là, pour l'instant, toute la nuit sans pub avec Léo. Donc, non, pas toute la nuit, hein, Gérard, une partie, jusqu'à 2h. Ouais, ben de minuit jusqu'à 2h, donc vous allez retrouver Léo pour le mix de Léo. Le mix de Léo, et puis moi, j'aurai l'occasion de vous retrouver fin juin, début juillet, juste avant les vacances. Enfin, et donc, débat fin juin, mais ce que je voudrais dire, juste avant que Léo envoie le mix, c'est, tu vois la différence de voix entre toi, qui a une pauvre voix, un traitement de clochard, un vieux traitement de clochard, et en face, Léo, tu vois, qui a le traitement de fun. Mais ta gueule, les je suis pas un clodo, d'accord? Alors, tu fermes ta gueule. Foyer, allez, bonne bourre à vous, bon week-end, soyez prudents sur les routes, surtout. Et là, vous allez retrouver Léo. Léo pour le mix et donc le titre Léo s'il te plaît tu peux me le répéter. Il y en a plein mais il y a notamment celui Spoon Nation. Spoon Nation ouais, c'est pas grave. Allez, bonne nuit à tous, bisous à ma bibi, bisous à Nicolas, bonne nuit, bonne bourre, amusez-vous bien. À demain soir 21h avec Max, le Star System et Phil Darmanin. Bonne nuit à tous.